Ta déjon fin détruit, l'amour te fin bâti. Malgré son fait passer, moi pas jamais oublié. Chaque soir, mon vie, c'est vous, ma pévère.